Gene Vincent, Cal Perkins, Jerry Lee Lewis et le King lui-même, Elvis Presley. Pour vous aider à suivre leur pas, des cours de Rockabilly Jive vous sont offerts gratuitement par les danseurs professionnels de l'école Rock Avenue. Les mardis Rock Avenue, c'est à l'Abreuvoir que ça se passe, au 403 Ontario Ouest. Evenco, Greenland Productions et CISM présentent Two Door Cinema Club avec Bombay Bicycle Club et The Lonely Forest le 16 septembre au Club Soda. Billets en vente maintenant à la billetterie du Club Soda par téléphone au 514-286-1010 ou achetez-les en ligne via evenco.ca. Un furieux mélange d'électropop et d'indie rock. Two Door Cinema Club, un spectacle à ne pas manquer le 16 septembre au Club Soda. Écoutez CISM 89,3 FM. J'ai mangé mes yeux pour ne plus te voir. Plâtrer ma bouche pour ne plus te voir. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François. Vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3. Le Terminus est dédié au rock indépendant de la scène locale et internationale. Ce soir, un menu assez intéressant alors que j'aurai en entrevue le duo rock de Montréal, le Redmond Barries. On va aussi avoir de la musique de Balkans, de Doves et du groupe scandinave La Crosse. Mais on commence, ou plutôt on retourne tout de suite à musique avec les Anglais d'Arctic Monkeys qui reviennent cette année avec l'album Suck It and See, leur quatrième album qui est sorti le 6 juin dernier. L'album vient d'ailleurs de faire son entrée au palmarès de CISM en 25e position. On va entendre de Hellcat Spangled Shalala sur les ondes de CISM 89.3. Shalala, Ready? c'était les Torontois de Two Curious avec Haunted Beach, leur album. Oh. De leur album homonyme qui est sorti ce printemps. Juste avant, c'était c'était Moussette avec les Fauves de l'album Le Club Alpin. Maintenant, je suis en compagnie des deux gars du groupe de Remnant Barry's, donc Christopher Bryad. Bonjour. Salut. Qui est batteur et chanteur dans le groupe. C'est ça. Et Varun Chopra. Oui, bonjour. Salut, qui est guitariste et chanteur également. Salut. Donc, The Remnant Barry's, vous jouez, vous êtes formé, ce que j'ai trouvé sur Internet, vous êtes formé en 2009, c'est ça? Vous avez commencé à jouer ensemble? Oui, c'est ça, on a commencé en 2009, on se connaissait avant ça, puis on a joué des covers pendant un bout de temps, mais on a formé le groupe The Remnant Barry's en automne 2009. OK. Et vous aviez déjà joué ensemble donc, dans des groupes, plus de covers, donc c'est ça? Ben, on a joué des covers ensemble, puis okay. Séparément, on a joué dans des groupes différents. Avant, OK. Ouais. Et comment vous avez trouvé le nom de Remnant Barry's? Ça vient d'où? On est tous les deux des super grands fans de Kubrick. Stanley Kubrick. Alors, c'est ça. Alors, Barry Lyndon, c'est un de nos films favoris. OK. Pour expliquer un peu de Remnant Barry, c'est quoi dans le répertoire de Kubrick? Ça vient de son film Barry Lyndon, okay. Qui est... Je me souviens plus, c'est son... En tout cas... C'est un des personnages c'est, dans le film. Ouais, Remnant Barry, c'est un personnage dans le film avant qu'il devienne Barry Lyndon. Ah, d'accord. Donc, c'est une espèce d'hommage ouais. À cette référence. Maintenant, on va parler de votre EP 1949 Murders qui sort la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Le 22. Le EP devait sortir, je ne me trompe pas, au début de l'année, au début. Hein? Oui, il y a eu différentes dates un peu de tentatives pour sortir ça, mais finalement, c'est ça, ça n'a pas fonctionné. Okay. Ils avaient choisi de le sortir pour commencer sur le web, sur Bandcamp et en copie physique en même temps? Non, juste sur web. Ah, pour commencer, juste sur le web. Oui, d'accord. C'est ça. Y a pas de, on a décidé de ne pas faire de copie physique pour le moment parce que ça prend beaucoup de place. And it's more green, c'est... Ouais, c'est plus écologique. Vous êtes vraiment, vous appliquez vraiment les principes du do it yourself aussi. Là. Vous faites pas mal ouais. De tout aussi, donc c'est plus simple comme ça. Mm-hmm. Et pour l'enregistrement du EP sur lequel il y a, je me trompe pas, 6 chansons. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comment ça s'est passé? Vous avez travaillé avec qui? On a travaillé avec 2 personnes qu'on a connues à travers une amie. Et c'est ça, on s'est rencontrés, on a discuté un peu de ce qu'on voulait faire et on était un des premiers projets sur lesquels ils travaillaient eux aussi. Alors, et sur le web, on voyait, vous avez posté des vidéos, une espèce de vidéoblog sur lequel on vous voit aller enregistrer l'album. Ouais. Et ça, donc l'enregistrement s'est passé, on vous voyait faire des grands déplacements en bus puis tout ça. Ça s'est quand même bien ouais. Passé. Ouais, c'est vrai, c'était des grands déplacements, bus, métro. Mais on habitait où on pratiquait dans l'ouest de l'île et on se rencontrait à la station de métro Rosemont, je pense. Oui. Et ouais, alors on se levait genre à 5h du matin pour arriver pour comme 8h à la station Rosemont pour enregistrer dans un studio créé maison un peu là puis. OK. Et l'enregistrement ça a duré combien de temps? Vous parliez de 2 mois je pense sur le web. Ouais, je pense que c'était à peu près 2 mois, hein. À temps perdu, à peu près, là. Okay. À peu près, ouais. C'était pendant plusieurs fins de semaine. On a commencé par la batterie. Et après ça, c'était les okay. vocals puis okay. la guitare. Pour vous, est-ce que c'était la première expérience en studio? Vous avez déjà enregistré du matériel? Oui, c'est première. Première expérience. Oui. Donc, c'était un peu l'apprentissage. Ouais, c'était définitivement un apprentissage. On avait enregistré un peu tout seul à la maison. Puis... Okay. Ça va bien été, mais c'était pas mal différent de rencontrer du monde, puis discuter d'idées, puis de... OK. Est-ce que ça a eu une influence sur le son de l'album, de travailler avec, je pense, ça s'appelle Carlos et Sean, c'est ça? Oui, c'était Carlos Avila et Sean Mullen. OK. Ouais, ça a eu un impact, quand même. pas nécessairement un énorme impact, mais il y a eu des fois des conflits aussi, là, mais ça... C'est partie du processus de création. C'est ça. C'est non, ça. Ça a bien été, sinon. Donc, sur ce EP-là, vous avez déjà sorti depuis quelques mois un premier single, premier extrait qui s'appelle « Woke Up Dead ». Oui. Comment, de quoi ça parle en particulier, cette chanson-là? Ça parle de l'aliénation, de se trouver différent un peu, de pas pouvoir... J'essaie de penser, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on l'a écrite, cette chanson-là, mais ouais, entre autres de ça. Là, de... OK, donc on va l'entendre tout de suite. Okay. Woke Up Dead, des Redmond Barrys, sur les ondes de CISM 89.3. Woke up with the strangest feeling. C'est toujours l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3. Je suis toujours en compagnie des gars du duo de Redmond Barrys, Christopher Briard et Varun Chopra. Salut les gars. Salut, ça va bien? Oui, ça va toujours bien. Alors, on vient d'entendre la chanson Wake Up Dead, qui est sur le EP qui sort la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, vendredi prochain. Et comment vous décririez votre le son du groupe là? Habituellement, l'étiquette générale, c'est le rock and roll, mais est-ce que vous avez pensé à une étiquette je sais que ça semble être une question qui est délicate. Ouais, difficile. Ça c'est post-muff. Post-muff. Okay. Ouais, comment qu'on écrit ça, post-muff? Y a-t-il des références qu'on pourrait associer à ça ou? Post-muff, ben c'est le style de musique qu'on fait. OK, d'accord. Je vais vous parler, je pense qu'il y a des gens après votre dernier spectacle qui parlaient de math rock parce qu'ils semblaient trouver ça un peu complexe, la structure des chansons. Ouais, peut-être. C'est difficile pour nous de décrire exactement c'est quoi notre son. Puis la plupart des gens qui en parlent, ils ont une différente idée à chaque fois. Il y a des gens qui vont dire, vous me faites penser à ce style-là ou ce style-là. Fait que c'est cool, là, en même temps. Là. Ouais. a se parlé à un moment donné, je crois, sur le web de Norwegian Metal. Mais ça, c'était plus une blague, je pense. Ben, oui et non. C'est, on a la mentalité Norwegian Metal. On essaie de faire pousser nos cheveux super longs, puis de se mettre du maquillage, là, mais ça ne marche pas toujours. D'accord, du travail à faire là-dessus. Ouais, pas mal. Au niveau de vos influences, on s'en prend dans le même thème un petit peu. Là. Est-ce qu'il y a des groupes que vous écoutez beaucoup ces temps-ci qui ont influencé dans l'écriture et l'enregistrement de l'album? Ouais. Oui, comme Cursive et The Ya Ya Ya's, autre chose comme Spoon. Ouais. Ok, c'est des groupes que vous écoutez régulièrement. Okay. Ouais, puis au départ, c'était vraiment comme The Libertines qui était un de nos groupes préférés. Puis je pense vraiment pas qu'on sonne comme eux, mais non, c'était plus le punk britannique, plus classique. Là, ouais. Mais c'était des influences. Cool. Au niveau de la présence sur le web, vous êtes un groupe qui mise beaucoup, hein, vous semblez miser beaucoup sur la promo sur Internet. Ouais. Sur quasiment tous les types de réseaux sociaux qui existent. Là. On peut commencer par Twitter, vous postez des choses. Oui. Qui s'occupe dans le groupe d'alimenter ces réseaux sociaux-là? C'est tous les deux, pas mal. Oui. On y va à tour de rôle pas mal, ou juste quand ça nous tente de poster quelque chose, on va mettre de quoi, et c'est pas vraiment une personne. Là. OK, fait qu'on sait jamais de qui ça provient vraiment. Il y a des petits indices des fois, mais généralement, on sait pas. Dans l'humour, hein, c'est ça, des fois. OK. Vous êtes aussi présent sur Facebook aussi, ça c'est pas mal, j'imagine, la place centrale pour la promotion. Je pense. Ouais, un peu. À peu près, c'est... C'est difficile, on essaie toujours de trouver, tu sais, quel... It's sur quoi probably on a... just our most serious place to post. Ouais, c'est ça. Vroom dit que c'est probablement notre place la plus sérieuse où on met des affaires. Contrairement à Twitter, des fois, c'est plus... Yeah, Twitter, we just have fun, we just post anything we want. Puis, des fois, on se demande si c'est... Ce que j'ai lu, des fois, on se demande à quelle heure c'était posté aussi. Ouais, définitivement, il y a des fois où on... Déconner. 3 heures du matin, puis c'est ça, on déconne. On a le goût d'écrire de quoi, mais... Sinon, vous utilisez aussi YouTube, sur lequel il y a comme deux éléments principaux. Là. Il y a le Redmond Barry's Show, qui est comme une espèce de... C'est comme... De réalité show, un peu. Ben, c'est comme des... Un peu, c'est comme des webisodes qu'on appelle ça. Ça suit le band puis notre. Well, you can just tell them how it started. It all started with those personals with Randall. Ouais, c'est vrai. Ça a commencé en essayant de trouver une blonde pour Randall. On a décidé de faire la première vidéo, qui est Randall's Jam, pour le mettre en place d'honneur. Puis pour resituer les gens, Randall, c'est une espèce de marionnette rouge. Ben, je sais pas si c'est une marionnette, là. C'est une personne comme toi et moi, mais il est rouge, puis il est pas comme toi et moi, mais... Ouais. Furry? Il est poilu. Il est poilu, puis il est... Okay. Poilu. C'est quoi son rôle dans le groupe, si je peux poser cette question-là, là? Ouais. Probably management. OK. Ouais, il s'occupe de management, puis takes care of all the groupies, moi aussi. C'est vrai. Doesn't he just take some from us? Ouais, il essaie de nous voler les groupies à chaque fois, là. C'est son but vraiment, c'est les femmes, pas mal. OK, cool. Est-ce que vous avez projeté de continuer à faire des vidéos sur le web? Pour l'instant, c'est... We're actually working on one right now. Oh! C'est vrai. On va s'en parler après, là. Mais, oh, OK. mais ouais, on s'amuse vraiment. On adore le cinéma, puis on s'intéresse à la réalisation, puis tout ça. Alors, on va définitivement continuer à en faire. Parce que vous avez d'ailleurs fait des vidéos pour promouvoir le lancement du EP la semaine prochaine. Donc, il s'appelle 1949 Murders. Oui. C'est ça. Et vous lancez l'album... Vendredi prochain, le 22? Ouais, oui, vendredi prochain. Pas demain, là, l'autre. Non, c'est ça, pas demain, le prochain vendredi à Barfly, c'est sur Saint-Laurent. Je pense que c'est 4062 boulevard Saint-Laurent. OK, pour être précis. Ouais. Et c'est à quelle heure? C'est à 9h. Ouais. OK, puis qu'est-ce que les gens devraient s'attendre? Un buffet, des invités, Le lancement? Un buffet de personnes. De viande, de personne. Non, un buffet de... Il n'y aura pas de buffet, au fait. Non, il n'y aura pas de buffet, mais il y aura de la musique. On a un ami et un musicien qu'on aime beaucoup et qu'on admire beaucoup, Clementine, qui va ouvrir le show, et lui, il joue de la guitare acoustique un peu bizarre. Après ça, on a Embryo qui vient du groupe... The Cast of Fictional Characters. Oui, on les a rencontrés la semaine passée. Alors, si les gens veulent entendre votre musique, ça va être au lancement la semaine prochaine. Vous allez jouer... Oui, on va jouer un set au complet, puis il y aura deux autres groupes. Si les gens veulent acheter votre album, pour l'instant, ils peuvent l'acheter à partir de la semaine prochaine? Oui, pour le moment, ça va être disponible. On a une carte postale / download. De téléchargement, puis avec un autocollant, puis des macarons qui vont être en vente. Soir, la semaine prochaine. C'est ça. Sinon, les gens vont sur Bandcamp par eux-mêmes pour l'acheter. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles de prévus pour The Random Berries dans les prochaines semaines? Yeah, but we can't really talk about them. Oui, c'est vrai. OK, donc pour en savoir davantage, les gens vont aller voir sur votre site Internet. Oui, c'est ça. Ce serait de nous vérifier nos mises à jour sur Facebook puis Twitter et tout ça. Parce que ça, on a différents trucs qui s'en viennent. Mais... Bon, donc on va suivre ça avec intérêt. Donc, je vous ai demandé de choisir un groupe, on a parlé tout à l'heure, Cursive, une de vos influences. Vous avez choisi la chanson Sync to the Beat. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette chanson-là? Pourquoi celle-là? I'm going to say it in English, but it's a song that's pretty much just pretty much promoting their older EP, was called Sync to the Beat. So c'est sorti en 2001. Hein? Yeah. Okay. And it's a really good EP, and it's one of my favorites. And we're using it to help promote our own EP, which is out next Friday. Super. Alors on va entendre Cursive avec Sync to the Beat, le choix des Redmond Berries qui sortent leur premier EP la semaine prochaine, le 22 juillet, au Barfly. Merci les gars d'être venus à l'émission. Merci beaucoup Jean-François de nous avoir reçus ici. Merci. Alors on écoute Cursive sur les ondes de CISM 89.3. under pressure. Let it burst and blow. We'll be right back. sur les ondes de CISM. Vous écoutez l'émission Le Terminus jusqu'à 20h. On vient tout juste d'entendre le trio Heart Punk Peter Kernel, dont les membres sont partagés, c'est assez bizarre, entre le Canada et la Suisse, avec Gusto Dance to This. Avant Peter Kernel, c'était les Anglais Balkans, un autre groupe qui sonne comme The Strokes, mais c'est pas une maladie, avec Troubled and Done, qui se retrouve sur leur premier album, qui vient tout juste de sortir. Et on avait débuté le segment avec un choix de mes invités, The Redmond Barrys, qui voulait entendre la musique de Cursive, Sink to the Beat. On poursuit maintenant avec un groupe de Stockholm qui s'appelle La Crosse. Leur musique est publiée sur l'étiquette allemande Tapete Records, sur lequel j'ai fait plusieurs découvertes intéressantes jusqu'à maintenant. Voici It's Always Sunday Around Here de La Crosse sur La Marge CISM 89.3.